qu'un jeune comme tous les autres. J'ai les mêmes rêves et je vis le même cauchemar. Pour nous y a pas de trêve, c'est marche ou crève dans ce monde de kleps. Donc on avance comme on peut en tirant sur nos laisses. On ne laisse pas monter le stress. Les seules étoiles dans le ciel sont des fusées de détresse. On nous laisse sur le bas côté depuis tout gosse boycotté. Un jour t'es dans la merde et le lendemain t'as plus un rond de côté. Difficile à décoder l'avenir sur la bonne voie. Le gitan roule et m'a tenté plus d'une fois. J'ai dû raisonner, me tourner vers ma foi. À l'heure où d'autres mieux venaient, dorment dans la soie. Alors on broie du noir, sans issue de secours. C'est dur de marcher alors que le vice court. Derrière les beaux discours, ils se moquent bien de nous. On vit en marche puisqu'ils nous traitent comme des meutes de loups. En marge, on y écrit nos versets. Depuis tout gosse, la dalle nous a percés. En marge, on y vit malgré nous. On devient sauvage puisqu'ils nous traitent comme des meutes de loups. En marge, on y écrit nos versets. Depuis tout gosse, la dalle nous a percés. En marge, on y vit malgré nous. On devient sauvage puisqu'ils nous traitent comme des meutes de loups. Je suis devenu parano, ne crois plus à ce mot. Tous vos projets s'intéressent qu'à un seul niveau. Finir dans le caniveau, je sais que c'était prévu. Mais tu sais que c'est pas ça, face à un beau steak têtu. En marge, j'ai fait mon chemin, en marge, j'ai mon destin. En marge, je vis jusqu'à ce que ma lumière s'éteint. Mais c'est vrai que je suis teint aux couleurs capitalistes. T'inquiète, je reste intègre sans leur savoir capitaliste. On évolue en marge de la société. Donc on avance, on marche vers la postérité. Ils nous mettent de côté, mais il faut faire avec. On fait nos dièses, on taffe dur pour faire entrer l'oseille. Nos vies se déroulent sur une borne d'arrêt d'urgence. Y'a pas de seconde et encore moins de première chance. On avance sur un fil, mais on s'y habitue. C'est ce qui nous rend plus forts, c'est pas ce qui nous tue. En marge, on y écrit nos versets. Depuis tout gosse, la dalle nous a percés. En marge, on y vit malgré nous. On devient sauvage puisqu'ils nous traitent comme des meutes de loups. En marge, on y écrit nos versets. Depuis tout gosse, la dalle nous a percés. En marge, on y vit malgré nous. On devient sauvage puisqu'ils nous traitent comme des meutes de loups. Pas besoin de prendre du recul pour voir qu'ils se foutent de nous. Là, on tourne plus, arrêtez, elle s'écroule d'un coup. Ils nous prennent pour les fous, se foutent de nous partout. Il faut qu'on stoppe ces bâtards qui posent des pieds jaloux. Non, moi, j'suis pas jaloux, vis bien ma destinée. Un gros sourire pour les bâtards qui m'ont sous-estimé. J'suis pas impressionné par votre oppression, plutôt affectionné par une révolution. N'est-ce pas la seule solution? Il faut que le peuple se lève. Suffit plus de manifester dans une simple grève. Putain, on crève en même temps que le social. L'état libéralisé devient plus impérial. Plus de licenciements et de suicides. Braquage, vol, viol et homicide. Suis-je explicite dans ce que je récite? Au bord du gouffre, nous sommes tous, faut agir vite. En marge, on y écrit nos versets. Depuis tout gosse, la dalle nous a percés. En marge, on y vit malgré nous. On devient sauvage puisqu'ils nous traitent comme des meutes de loups. En marge, on y écrit nos versets. Depuis tout gosse, la dalle nous a percés. En marge, on y vit malgré nous. On devient sauvage puisqu'ils nous traitent comme des meutes de loups.